brise au bout de la nuit. Laisse une étoile accrochée bien haut. Les écrivains se moquent de dire vrai. Bienvenue à l'émission Bouquins et Confidences avec Julie Collin au micro pour vous accompagner pour la prochaine heure. Le concept, en fait, c'est qu'on rencontre une invitée, une personne qui vient nous parler des coulisses du monde du livre pendant une heure. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Francine Pelletier. Bonjour Francine. Bonjour Julie. Donc Francine, t'es auteure et t'es aussi adjointe à l'édition chez À lire. Ah oui, j'ai beaucoup de chapeaux moi. Ben oui. Je passe allègrement d'un chapeau à l'autre. Je suis en vacances, alors là c'est l'écrivaine qui est devant toi aujourd'hui. Yeah! Écrivaine quand même assez majeure, là. Moi, j'ai essayé de compter, là. Je ne sais pas si j'ai bien fait ça. 21 romans jeunesse. À peu près. 8 romans pour adultes. Oui. Puis une quarantaine de nouvelles publiées. Oui. Et oui, ça, depuis les années 80, en fait, quand la carrière a commencé. Oui, oui, je suis une petite vieille, moi. Ça fait depuis 85 que je publie de manière professionnelle. D'abord, en nouvelles, ensuite des romans jeunesse. Puis en fait, il faudrait que j'explique. Moi, je suis écrivaine d'abord et avant tout de science-fiction. Puis l'affaire, c'est que moi, ce que je voulais écrire et publier, c'était des romans pour le public adulte. Des romans pour moi, pour les gens de mon âge et tout. Mais quand j'ai commencé dans le métier, mettons qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour publier des romans de science-fiction pour adultes quand on est un auteur québécois. Alors, puis de toute façon, mes romans n'étaient pas très, très bons. Je les envoyais à des éditeurs. Puis j'ai ramassé une belle... Fais-moi pas cette moula. J'ai ramassé une belle collection d'une vingtaine de lettres de refus, moi, avant de publier, là. Mais est-ce que ça veut dire que c'était pas bon? Des fois, c'est juste que ça fonctionne pas pour l'éditeur. Moi, le miracle s'est passé parce que après que j'ai découvert l'existence de la revue Solaris. Tu connais Solaris? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut le rappeler? Oui, Solaris, c'est la plus ancienne revue de création littéraire en science-fiction fantastique francophone qui est encore vivante. C'est-à-dire qu'elle a eu des ancêtres plus anciennes, mais qui ont disparu depuis. Et il y a des nouvelles revues qui sont nées depuis. Mais Solaris existe depuis 1974. Ça a été fondé par un prof de littérature du cégep, il me semble que c'était Édouard Montpetit qui enseignait, Norbert Spener, qu'on appelle maintenant le pape du polar québécois. Norbert, avec des étudiants, dans une session, avait démarré un fanzine, ce qu'on appelle un fanzine, c'est-à-dire une publication amateur, qui s'appelait Requiem. Puis après quelques numéros, les élèves, les étudiants ont laissé tomber, mais Norbert a décidé de continuer. Puis, rendu au numéro 28, il a rebaptisé la revue Solaris parce qu'il n'aimait pas le nom Requiem. Et donc, depuis ce temps-là, Solaris est rendu, donc je pense que c'est le numéro 207 qu'on va publier cet été. Alors, moi, j'écrivais de la science-fiction dans mon coin sans trop savoir ce que c'était. Mon frère, qui est un gros lecteur de science-fiction, qui en écrivait aussi, il trouvait que mes histoires n'étaient pas fameuses comme histoires de science-fiction. C'était plus influencé par la télévision, le cinéma. Fait qu'il m'a obligée à en lire. C'est comme ça que j'ai fait mes lectures de base, là. Je veux dire, il m'a attrapé parce que j'étais une lectrice de polar. Il m'a attrapé en me faisant lire Asimov, Les Cavernes d'Acier, qui est un polar de science-fiction. J'ai lu tout Asimov. Après ça, j'ai changé d'auteur. J'ai tout lu. Et c'est quand j'ai découvert Solaris que j'ai vu, il y a des auteurs québécois qui publient de la science-fiction au Québec. Il y a une revue de création littéraire qui publie des nouvelles. Fait que j'ai envoyé une nouvelle qui était pas bonne, évidemment, qui n'a pas été publiée. Mais Norbert Spener m'a répondu avec un petit mot gentil. Bon, on publie pas ça, envoyez-en d'autres. Et un jour, j'ai vu dans Solaris que Élisabeth Von Arbour, qui était une de mes idoles, la grande Élisabeth Von Arbour, qui n'avait pas publié énormément de romans à l'époque, mais quand même, organisait des ateliers d'écriture. Et en 81, elle a fait un atelier d'écriture pour les auteurs débutants. Et mon frère m'a tiré à peu près de force à l'atelier d'écriture, où Élisabeth, en me voyant d'ailleurs, a dit « Enfin, une femme! » Oui, parce que c'est sûr que c'est pas un milieu qui était très féminin. Non, surtout à l'époque. C'est ça. Mon surnom, dans le temps, dans les années 80, c'était « La relève féminine en science-fiction québécoise ». C'est pour dire comment on était nombreuses. Ben oui. Et c'est aux ateliers d'écriture que j'ai appris le travail de l'écriture. C'est-à-dire que jusque-là, j'écrivais, j'avais de l'imagination, j'avais des bonnes idées, j'avais des personnages, je maîtrisais le dialogue, ça paraissait que j'avais lu beaucoup. J'écrivais pas pire, mais j'avais pas appris à travailler mon écriture et c'est ce que les ateliers m'ont enseigné. Puis les ateliers m'ont enseigné surtout à devenir un petit peu plus terre à terre, finalement. C'est-à-dire que j'avais fait lire, justement, à Elisabeth, elle avait été fine, elle avait accepté de faire ça, de lire un des derniers romans que j'avais infligé à des éditeurs. Puis là, elle m'avait expliqué bien gentiment, ben, Francine, t'as peut-être pas le souffle pour faire un roman, mais t'as des bonnes idées. Pourquoi tu vas pas chercher tes idées importantes puis que tu travailles pas la nouvelle? Et effectivement, les lieux de publication de la science-fiction destinée aux adultes étaient plus facilement accessibles quand on écrivait de la nouvelle, parce qu'à l'époque, il y avait Solaris, il y avait aussi une autre revue de création littéraire qui s'appelait Imagine, puis il y avait des petits fanzines, des petites publications amateurs où on pouvait publier des textes. Donc, j'ai commencé dans le métier en publiant des nouvelles, puis le premier contrat d'édition, youpi, que j'ai signé, c'était en 1985 pour une nouvelle inédite dans une anthologie de science-fiction québécoise qui avait été publiée aux éditions 15. Et là, j'ai rencontré, à travers aussi les ateliers d'écriture, j'ai rencontré Daniel Cernine, qui était à l'époque le directeur littéraire de la collection Jeunesse Pop, puis qui m'a dit, ben Francine, pourquoi tu t'essayes pas à écrire pour les jeunes? Il y a un besoin de ce côté-là, puis il me semble que tu serais bonne. D'ailleurs, il m'avait comme plugué pour que je sois dans une anthologie de nouvelles de science-fiction pour adolescents chez Pierre Tisserre. Fait que je m'y suis mis. C'est comme ça que je suis devenue écrivaine jeunesse. Pendant un gros 10 ans, ça a été ma... Donc, ma production a été axée surtout sur la littérature jeunesse, mais j'ai toujours écrit et publié des nouvelles à travers ça. Et c'est vraiment quand il y a eu des collections qui étaient destinées au public adulte, je me suis essayée. Ça n'a pas marché nécessairement du premier coup, mais ça a été ensuite jusqu'à ce que Jean Petitgroux fonde les éditions À lire en 96, où là, j'avais soumis un manuscrit à Jean. Je pensais que c'était un... En fait, je pensais pas qu'il prendrait. Pourquoi on propose quelque chose quand on pense qu'il prendra pas? J'avais eu plusieurs refus pour ce roman-là. J'avais eu 4 refus d'autres éditeurs, mais comme je connaissais Jean Petitgroux, qui était un écrivain lui aussi, je lui faisais confiance, puis je me disais, il prendra pas, mais il va me dire pourquoi il prend pas, puis ça va m'aider parce que je travaillais à un autre roman à ce moment-là. Mais Jean m'a joué un tour. Il a dit « Oui, on va le publier, mais c'est pas complet. » parce que c'était un roman que moi, j'avais conçu avec ce qu'on appelle une fin ouverte. Puis j'avais pas trop envie d'aller au-delà, un petit peu par paresse, n'est-ce pas? Et là, Jean m'a dit « Ben non, tu peux pas laisser tes lecteurs là. » En tout cas, ceux qui sont curieux de voir ce que mon éditeur voulait dire, vous lirez Nel de Villevec, vous allez voir effectivement... C'est une fin ouverte, puis ça se pouvait pas d'arrêter là. Alors, c'est là que j'ai proposé à Jean Petitgroux le roman que j'étais en train d'écrire qui avait une parenté d'univers. Puis je lui ai dit, ben si tu les prends les deux, je vais t'en écrire un troisième qui va ramasser tout ça. Puis c'est comme ça que j'ai fait une trilogie. Alors, mon parcours a été un parcours un peu, je dirais pas, je suis pas carriériste, là, parce que je fais quand même ce que j'ai envie de faire. Mais disons que les lieux de publication ont varié parce que j'allais vers les endroits où il y avait de l'ouverture à l'époque. Ce qui change avec les années, là, en littérature jeunesse, le portrait a changé quand même au Québec, mais à l'époque, grâce à la collection Jeunesse Pop des éditions Pauline, c'est drôle parce que c'est une maison d'édition religieuse, mais qui avait une collection tout à fait laïque, cette collection-là s'est trouvée à rassembler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs de science-fiction et de fantasy. Il y a Joël Champetier qui a publié là, Daniel Cernine publiait lui-même, il y a eu Jean-Louis Trudeau, dans les dernières années, Michel Laframboise, qui est une autre des auteurs de science-fiction, sauf qu'elle est franco-ontarienne, elle n'est pas québécoise, Michel. Et puis, il y a eu Yves Ménard, qui a fait aussi ses débuts dans le roman Jeunesse, dans Jeunesse Pop. Alors, il y a eu là vraiment tout un bassin d'auteurs qui occupe maintenant le théâtre de la science-fiction et du fantastique et de la fantasy au Québec. Puis la différence entre écrire des histoires pour les adolescents et écrire des histoires pour les adultes, qu'est-ce que c'est concrètement? Moi, je dirais que c'est dans la profondeur. On va plus loin dans une histoire pour adultes parce qu'on écrit... Quand on écrit pour les adultes, on écrit plus pour soi-même. On se raconte une histoire qu'on a envie de se faire raconter. On va creuser plus les personnages. On va se permettre quand même d'aller dans des choses plus violentes ou plus dures. Alors que quand on écrit pour les jeunes, ben en tout cas à l'époque, surtout chez Pauline, qui est devenue Mediapol après, disons qu'on évitait la violence gratuite, puis c'est sûr qu'il pouvait avoir un peu de violence, mais pas de sexe. Oui, non, ça c'est fallait sûr. Que ce soit très discret, disons. Mm-hmm. Non, c'est sûr, il faut quand même oui. se rappeler que c'est les oui. années 80, début 90, et que c'est oui. sûr, c'est un peu... C'est ça. Même encore maintenant, oui, il y en a, ça dépend oui, quel roman. Il y a des éditeurs qui sont un peu plus audacieux que d'autres. Oui, il y a beaucoup plus d'ouverture, oui. disons, dans les romans pour les adolescents. Ce qui fait que le public, quand j'ai commencé, moi, la collection visait un public de première, secondaire, puis aujourd'hui, c'est des jeunes de cinquième année puis de quatrième année qui lisent ces romans-là, parce qu'ils sont relativement, pas simplistes, mais ils sont relativement simple. Alors, l'intrigue est moins compliquée. C'est plus court, évidemment. Disons que quand je dépassais 120 pages, je me faisais regarder de travers un peu par mon éditeur. Mais la différence, c'est pas mal ça. C'est que quand on s'adresse à un public jeunesse, sans vouloir simplifier les choses, sans vouloir prendre les jeunes pour des idiots parce qu'ils sont pas mal plus brillants que certains le pensent, il y a quand même, disons, des... Il y a comme des couches d'épaisseur de plus sur un roman pour adultes, là. Des fois, est-ce que c'est plus compliqué d'écrire pour les jeunes, justement, parce qu'il faut un peu se censurer d'une certaine façon dans ces histoires? Pas parce qu'on se censure, parce que je pense que ça vient de façon naturelle, okay. un peu. De toute façon, moi, je faisais beaucoup de tournées d'auteurs à l'époque où j'ai publié chez Pauline, puis dans Jeunesse Pop, puis les jeunes me demandaient d'écrire des romans d'horreur. Mais ça n'a jamais été ma tasse de thé, l'horreur, fait que je ne les ai pas écoutés. Mais non, c'est tellement subtil, on le fait sans trop y penser parce qu'on s'adresse à un public qu'on rencontre beaucoup grâce au programme de rencontres dans les écoles. Moi, j'en ai fait beaucoup à l'époque. C'est plus que j'ai vraiment trouvé mon format comme écrivaine, mon mode d'expression, mon format à moi, je l'ai trouvé quand j'ai commencé à écrire, à publier vraiment des romans pour les adultes, où là, j'ai commencé à me sentir à l'aise, pas limitée dans l'espace, pas limitée dans les sujets, pas limitée dans l'exploration que je voulais faire des personnages. Alors, maintenant, j'aurais plus de difficultés, je crois, à écrire pour les jeunes, surtout que j'ai l'impression qu'on tente de, non pas de simplifier les intrigues, mais de simplifier l'écriture en ce moment. On offre aux jeunes des romans écrits au présent. C'est très bien, mais c'est pas toujours approprié. Je trouve, moi, j'aime beaucoup la magie du passé simple. Mes romans de science-fiction sont écrits au passé simple. Pour moi, c'est le temps littéraire par excellence. J'aurais de la difficulté à... Bon, c'est sûr que du côté des polars, ben j'écris au présent, oui, puis au jeu, c'est... Mais là, c'est comme une question de structure, une question de choix de l'histoire. Mais j'aurais de la difficulté en écrivant pour les jeunes. Disons que j'aurais tendance à essayer de passer des mots compliqués puis d'essayer de refiler du passé simple. Ce qui fait que mes livres n'entreraient pas nécessairement dans les écoles. Puis là, ben, c'est là qu'est le public. Hein? Non, c'est ça. On écrit pour soi, oui, mais on écrit aussi pour être lu. Hein? C'est sûr qu'il faut oui. que ça rejoigne oui. le public. Oui. Ça, c'est le travail du directeur ou de la directrice littéraire de ramener l'auteur des fois à la réalité, finalement, du public. D'ailleurs, la première fois que j'ai écrit pour des adolescents, j'avais sous la main deux adolescentes, de mes voisines qui étaient des jumelles. Elles avaient 15 ans à l'époque. Elles étaient un petit peu plus vieilles que le public visé par la fameuse anthologie de science-fiction. Puis je leur avais fait lire mon texte. J'avais été très surprise parce qu'il y avait des mots de vocabulaire que je croyais qui les agaceraient. Et elles n'ont pas compris des mots que je croyais très, très simples. Alors, ça m'a comme ramenée à dire, ben finalement, écris donc comme tu penses que ça doit être écrit, puis les jeunes vont comprendre ce qu'ils vont avoir à comprendre, puis ça les arrêtera pas, finalement, s'ils n'ont pas compris tous les mots, là. Ouais, parce qu'on comprend le sens pareil, même oui, si on ne comprend oui, pas oui, tous oui. les mots, puis des fois, oui. ça peut être aussi l'occasion de sortir le dictionnaire, puis de regarder ben, c'est oui, quoi la signification ben, du oui. mot. Oui, je veux dire, quelqu'un qui aime la lecture, comme toi, comme moi, quelqu'un qui écrit, où est-ce qu'on a pris notre vocabulaire? Ben, c'est en lisant, puis parce que, bon, on ne comprenait pas un mot, on allait fouiller dans le dictionnaire, puis même ça m'est arrivé. Ben, là, l'atelier d'écriture a été très utile pour ça, parce que parfois, on utilise des mots auxquels on attribue un sens X, parce que dans notre tête, quand on l'a lu, on a compris que ça voulait dire ça. Puis là, éventuellement, on se fait dire « Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. » Alors là, ça t'oblige à aller chercher. C'est bien belle. Ben, l'écriture, c'est le fun, de toute façon. Puis tantôt, je disais, je suis accompagnée de Francine Pelletier, mais c'est plus ou moins exact, parce que je suis aussi accompagnée de Catherine Sylvestre. Oui. Qui est un pseudonyme sur lequel tu écris aussi des romans. Oui, je souffre d'un dédoublement de personnalité. Ouais, mais c'est juste littéraire. C'est pas si grave que ça. J'ai beaucoup de plaisir à jouer ce jeu-là. C'est parce que après avoir publié ma première trilogie de science-fiction, j'ai fait un burn-out. Okay. Et j'étais comme pas capable de revenir avec... Je me mettais la barre un petit peu trop haute pour le roman de science-fiction suivant. Et tout ce que j'ai été capable d'écrire, c'était un roman policier. Parce que moi, j'avais lu énormément de romans policiers. Moi, je lisais les vieilles anglaises, là, Ruth Rendell, j'oublie les noms, là, P.D. James, Ellis Peters, tout ça. Et là, j'avais toujours rêvé d'écrire du roman policier, mais comme j'en avais lu beaucoup, je trouvais ça difficile de trouver un angle original, mais c'était mon rêve. Fait que comme j'étais en dépression, j'ai dit, je vais me faire plaisir. J'ai écrit un brouillon de roman policier, puis là, je l'ai travaillé, je l'ai taponné un petit peu. Puis j'ai fini par le faire lire à mon directeur littéraire et éditeur de l'époque, Jean Petitgroux, parce que je voulais avoir son avis. Je voulais savoir, je perds-tu du temps, y a-tu de quoi en faire? Il m'a dit, oui, y a de quoi en faire, c'est pas publiable comme ça, faudrait que tu travailles tel. Puis là, il m'a dit, ben là, Francine, si tu te mets à faire du polar, c'est parce qu'à l'époque, chez Alire, notre auteur numéro un, c'était Jean-Jacques Pelletier, qui fait du thriller, du suspense. Puis là, moi, j'allais en librairie, puis je trouvais L'homme trafiqué de Jean-Jacques dans la section science-fiction. Remarque, Jean-Jacques, il dirait que de toute façon, ce qu'il fait, c'est de la science-fiction qui se passe dans 3 ans dans le futur, là. Mais en tout cas, c'était quand même supposé être du polar. Puis je retrouvais Ça m'y va de frais, qui était un de mes romans de science-fiction, dans la section polar. Fait que là, mon éditeur, il m'a dit, là, déjà, les gens ont de la misère à vous différencier. En passant, j'ai aucun lien de parenté avec Jean-Jacques, sauf nos éditeurs. On a publié tous les deux notre premier bouquin en 87 chez un petit éditeur de Longueuil. Puis tous les deux, ensuite, on a publié chez Alire. C'est ça notre lien de parenté. Alors, mon éditeur m'avait dit, ben, si tu veux vraiment faire du polar, ce serait une bonne idée de prendre un pseudonyme. Fait que moi, je suis partie avec ça, avec mon petit bonheur sous le bras. Puis là, j'ai pas retravaillé mon roman tout de suite. Hein. Je l'ai traîné pendant quelque chose comme 15 ans, ce roman-là, avant qu'il soit publié. Parce que j'étais pas satisfaite de ce que j'avais fait. Mais avec cette idée-là d'un pseudonyme. Puis là, j'essayais des pseudonymes. Puis bon, si je prenais le nom de famille de ma mère, ça faisait Francine Gauthier. Ça restait quand même un nom assez commun et tout. Et c'est ma mère. Mes parents, moi, étaient généalogistes. Tous les deux, ils étaient maîtres généalogistes agréés de la Société de généalogie canadienne-française. Ma mère était allée à un atelier sur la lignée maternelle. Tu sais, quand on fait de la généalogie, on remonte de porteur de nom en porteur de nom. Oui. Tu sais. Mais quand tu fais la lignée maternelle, si tu remontes de toi à ta mère, à ta grand-mère, ben, tu changes de patronyme à chaque génération. Puis quand on faisait ça avec ma lignée à moi et à ma mère, on aboutissait à la 10e génération à Catherine Sylvestre. Alors, quand ma mère m'a montré ça, je dis, oh, c'est un beau nom d'auteur. Fait que je l'ai adopté. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai remis une version que je croyais pas mal finale du roman à mon éditeur, puis j'ai vraiment frappé un mur. Il m'a dit « ça n'a pas de bon sens, tu fais des erreurs de narration, puis c'était un peu plate, ça manque de couleur, ça manque de folie ». Alors, là, je suis retournée encore. Oh, ça manque de folie. Attends un peu. Moi, tiens, en mettre de la folie. Et là, en me cachant derrière le pseudonyme de Catherine Sylvestre, en écrivant au jeu, parce que je m'étais aperçue que moi qui n'aime pas nécessairement écrire au jeu, je me suis aperçue que ça commandait le jeu, cette histoire-là. C'est pour ça que ça fonctionnait pas. En remettant tous les ingrédients dans le pot puis en rebrassant, en étant plus Francine Pelletier, mais en étant Catherine Sylvestre, j'ai eu un fun noir. Je me suis beaucoup amusée. Puis le résultat, c'est que ça a fait que là, c'était publiable, effectivement. J'étais arrivée à quelque chose. Ça a été un long processus, mais c'est ça. Alors, c'est pas un pseudonyme pris pour le fun. Quoique, mon éditeur vous dirait que, au fond, le temps que ça m'a pris pour finir ce maudit roman-là, j'aurais pu laisser tomber le pseudonyme puis le publier sous mon nom, ça n'aurait pas dérangé. Parce que Jean-Jacques n'était pas chez Alire au moment où mon roman est sorti. Mais là, quand mon éditeur m'a dit ça, je disais, hey, moi, j'ai fait tout le travail avec le pseudonyme, tu vas pas m'enlever mon fun. Alors, c'est resté. C'est qu'officiellement, on est deux auteurs séparés. Catherine a une biographie différente. Tu me faisais remarquer tantôt, avant l'émission, qu'on n'est pas née la même année que moi. Non, non, non. Catherine est plus jeune que moi, effectivement. Catherine, l'auteur, est un peu plus âgée que son personnage, mais elle est quand même plus jeune que moi. Elle n'a pas fait les études au même endroit que moi. Puis c'est très drôle parce qu'une année, j'ai reçu des vœux d'anniversaire d'une copine qui croyait que mon anniversaire était le 8 février, qui est le jour, la date de naissance de Catherine Sylvestre. J'ai beaucoup rigolé. Mais c'est ça, ça mélange les gens quand même. Mais là, je suis rendue au deuxième roman. Ça fait qu'il y a des lecteurs de Catherine qui ne connaissent pas Francine Pelletier et pour qui je suis Catherine Sylvestre. Des gens là qu'en publiant un deuxième roman, j'ai commencé à avoir des lecteurs qui sont revenus me voir au Salon du Livre, entre autres à Québec. Puis c'est ça, pour eux, je suis Catherine Sylvestre. Fait que là, je rêve du jour où il y a des gens qui vont m'appeler Catherine qui ne sauront pas que je m'appelle Francine. C'est sûr que moi, je le sais, mais je peux dire Catherine si tu le souhaites, là. Bon, non, non, là, comme je te dis, Francine est en vacances. Puis remarque, en fait, celle qui écrit présentement, c'est Catherine, effectivement, pendant les vacances, parce que j'ai un troisième polar au four, là. Oh, intéressant. Oui. Ça, c'est prévu pour quand? Oh, c'est pas prévu pour aucune date. Okay. Quand ça va être prêt, je vais le remettre à mon éditeur, puis lui va le mettre au programme de publication selon la disponibilité. Parce que chez À lire, on publie très peu. On publie à peu près une dizaine de nouveautés chaque année, puis on commence à être quand même une bonne gang d'auteurs. Alors, quand tu auras une petite place pour moi, Catherine se glissera. Là. Chez À lire, c'est entre autres là où est-ce qu'il y a Patrick Sénécal, vraiment connus. Oui, maintenant, c'est notre auteur vedette, c'est Patrick, effectivement. C'est lui qui fait les grosses files, puis tu as un salon du livre. Oui. L'autre fois, je lui disais que, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas jasé, puis je disais, oh, j'ai envie de me mettre dans le fil de tes lecteurs pour pouvoir te jaser. Là, il m'a regardé, fais-moi pas ça. Non, c'est ça, exagère pas, on va réussir à se parler pareil. Oui. Ton rôle, dans le fond, d'écrivaine, il est quand même super important dans ta vie. Oui. Mais tu l'as dit, tu es en vacances présentement, mais on va quand même en parler un peu de ton travail. Oui. C'est un peu pour mon travail ne me quitte jamais. C'est le désavantage de travailler pour son éditeur. Non, il y a ça aussi. Tu es adjointe à l'édition. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ou juste, qu'est-ce que tu fais comme tâche? C'est très vaste, la tâche d'adjointe à l'édition. C'est tout ce que fait pas l'éditeur, mais c'est moins vrai maintenant parce que je suis plus toute seule comme adjointe de Jean Petitgroux. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, je faisais la facturation, je faisais la gestion des stocks, je faisais la représentation dans les salons du livre et tout. Alors, c'est très vaste. C'est un chapeau pointu qui recouvre, ou un sombrero qui recouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de réalités. Mais en fait, il faudrait peut-être que j'explique. Probablement que ça dépend de la taille de la maison d'édition. Si on était une grosse maison qui publie 60 livres par année puis qui a 30 employés, chaque employé aurait des tâches probablement plus spécifiques. Mais À lire est une petite maison. Puis à l'origine, c'est vrai que je commence à être un peu âgée. J'ai été la première employée permanente d'À lire. Okay. Oui, ça va faire 16 ans cet été. Il y avait eu un employé sur un contrat un peu spécial, mais quand ils ont choisi d'embaucher pour la première fois un employé permanent, ils sont venus me chercher parce que, comme auteur, quand j'étais dans les salons du livre, quand on n'est pas une vedette, on est assis en arrière de notre table. Puis on n'a pas... Moi, je ne suis pas comme Patrick, là. Il n'y a pas de fil devant ma table. Ça fait que quand il y avait des clients dans le stand, je me levais de ma chaise, puis j'allais jaser avec les clients pour leur parler de ce que j'avais aimé. Puis j'avais beaucoup de plaisir dans le temps, d'ailleurs, à présenter Patrick Sénécal, qui n'était pas... Je m'amusais à faire lire la première ligne de « Sur le seuil ». Puis les gens restaient « Ouh, ouh! » c'est ça. Alors, Louise Alain, qui est comme notre directrice commerciale, elle m'avait vu travailler dans les salons, puis elle s'était dit « Bon, Francine pourrait effectivement faire les salons. » Puis c'est vrai que j'avais tout lu, ce qu'avait publié À lire... c'était plus facile à l'époque où j'ai commencé à publier. Je veux dire, mon premier roman chez À lire, c'était le numéro 11 en collection. Maintenant, vous êtes rendu à combien? Dans les romans en format de poche, on doit approcher du 190, mais maintenant, c'est parce qu'on publie en première édition, on publie en grand format. Fait que dans les grands formats, on est rendu à 62, je pense, quelque chose comme ça. Alors, on est dans les 200, avec les, si on rajoute les essais, les années de la science-fiction, du fantastique, on est dans les 250 titres publiés à peu près. Puis c'est encore vrai que j'ai tout lu, effectivement. Mais oui, mais moi, j'ai des bonnes excuses parce que je suis souvent payée pour lire. Ça, c'est la chose. Et tu me disais aussi que c'est toi qui es en première ligne pour recevoir les manuscrits. Oui. Oui, ça c'est ma tâche principale maintenant, parce que maintenant, en étant plus d'employés, ben on s'est comme un peu spécialisé. Alors je suis comme le premier contact avec les aspirants auteurs. Alors je fais ce qu'on appelle la gestion des manuscrits. C'est moi qui les reçois, c'est moi qui les entre dans on a une espèce de fichier de données pour les manuscrits, et je fais une première lecture, en général assez rapide. Des fois, c'est juste un survol pour avoir une idée du contenu, pour avoir une idée de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Je dois avouer que souvent, ça va s'arrêter à moi parce que on reçoit, l'an dernier, en 2017, on a reçu 796 manuscrits. Alors que, comme j'ai dit tantôt, on publie une dizaine de nouveautés chaque année. Puis on est rendu une bonne trentaine d'auteurs réguliers, là, des auteurs qui fournissent régulièrement la maison d'édition. Alors, on a très peu de place pour des nouveaux auteurs. Alors, malheureusement, le premier tri va s'arrêter souvent avec moi, mais ça arrive quand même. On a quand même un comité de lecture là, que je vais dire, non, ça, j'ai vraiment besoin d'un... Il faut que quelqu'un le lise sérieusement là, pour faire une étude... sérieuse de ce manuscrit-là. Alors ça, c'est ma tâche un petit peu d'orienter ce qui entre. Et malheureusement, moi qui ai accumulé comme auteur une collection de 21 lettres de refus, c'est moi qui les écris maintenant. C'est assez déchirant. Mais au moins, tu en écris, parce qu'il y a des auteurs, des fois, qui ne reçoivent même pas de nouvelles. Non, finalement. Effectivement, mais remarque que je le comprends. Nous, on est une petite maison qui publie une dizaine de titres par année. Puis là, avant de partir en vacances, on n'était même pas rendu à la moitié de l'année. Puis j'avais reçu mon 425e manuscrit pour l'année 2018. Il y a des maisons qui doivent tout simplement pas y arriver. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. C'est une inondation de manuscrits. D'ailleurs, je me souviens que c'était François Barcelot qui avait déjà dit que il disait je veux pas faire ma langue sale, mais il y a des mauvaises langues qui disent qu'il y a plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent au Québec. Puis c'est effectivement des fois l'impression qu'on a. Surtout quand t'as des auteurs qui te disent « Ah, je suis sûre que ma science-fiction est originale parce que j'en ai jamais lu. » Ça commence bien. Ouais. Alors, des fois, je suis très, très, très fâchée. Quand je reçois vraiment du n'importe quoi garoché, n'importe comment, je suis vraiment fâchée contre les auteurs. Si j'avais l'auteur en face de moi, je te le brasserais là, pour lui dire « Hey, réfléchis à ce que tu fais. » C'est pour ça que je suis si contente de venir ici aujourd'hui, d'avoir une tribune pour parler de la recherche d'un manuscrit. Mais c'est ça, dans mes tâches, effectivement, je m'occupe de l'accueil des manuscrits. Je fais pas vraiment de direction littéraire, ou je fais comme une première direction littéraire parfois, mais moi, je suis quelqu'un qui aime trop travailler le détail de la phrase, de la langue, alors que il faut travailler beaucoup les grandes structures parfois avec les auteurs. Alors ça, je laisse ça à d'autres. Puis j'interviens quand ça peut être utile d'intervenir. Mais c'est ça, principalement, c'est l'accueil des manuscrits. Je peux-tu vous faire une petite scénette? Ben oui! Alors voilà, je suis assise à mon bureau et puis dring, dring, le téléphone sonne, je réponds, puis ça me dit « Bonjour madame, c'est parce que je suis en train d'écrire un livre là, puis je voudrais savoir ce que vous publiez pour savoir si je vais pouvoir vous l'envoyer. » Alors petit quiz, qu'est-ce que j'ai envie de répondre? Petit A. Finissez de l'écrire, puis vous me recontacterez après. Petit B, nous autres, on publie juste des bons romans, madame ou monsieur. Petit C, allez voir sur notre site, où vous allez trouver des extraits de tous nos romans. Et ça va répondre à votre question. Et ça, c'est la chose qui me choque le plus parce que quand les gens... Mais là, je le comprends. N'oubliez pas que je fus une débutante moi-même fort longtemps. Quand on ne sait pas, on ne le sait pas. Hein? Non, non, je l'ai fait. J'ai infligé à des éditeurs des choses qui n'avaient pas rapport avec ce qu'ils faisaient, puis qui n'étaient pas finalisées, qui n'étaient pas finies, qui n'étaient pas prêts à être publiées. J'ai tout fait, toutes les gaffes que les auteurs débutants peuvent faire, je les ai faites avant vous, là. Fait que vous pouvez me remettre ça sur le nez, là, puis les lecteurs de manuscrits de jadis sont bien vengés aujourd'hui, là, par la lecture de manuscrits. Mais c'est ça, le problème, c'est que quand on est débutant, quand on écrit, qu'on n'a pas encore eu de contact avec l'édition, on ne sait vraiment pas comment ça fonctionne, on n'a aucune idée. Pourtant, il existe plein de lieux d'information, puis j'ai apporté un bouquin de base là, dont on pourra parler tout à l'heure, on parlera de référence, tout ça. Et ensuite, l'auteur débutant, je dis l'auteur débutant, tous les écrivains sont comme ça, quand on termine d'écrire une histoire, quand on met le point final, on est très, très fébrile, on a hâte que ce soit lu, faut que je fasse lire ça à quelqu'un, ce qui est une très mauvaise idée, parce que c'est rare qu'un premier jet est... à mettre entre toutes les mains. Non, c'est ça, on en parlait ça, d'ailleurs dans les autres émissions. On va prendre une petite pause. Oui! Puis on va revenir, on revient dans une minute, on continue sur où est-ce qu'on était. D'accord! 89